Bonjour, docteur Pascal Lavedad. Vous êtes médecin dans le service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Henri Mondor et nous avons le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous parler de la tomographie par impédance électrique. Alors, en quelques mots, quel est le principe de fonctionnement de la tomographie par impédance électrique ? Bonjour. Alors, la tomographie par impédance électrique ou EIT, c'est une méthode d'imagerie fonctionnelle qui permet d'étudier la distribution quasi instantanée du volume courant dans les poumons. Il y a plusieurs appareils qui sont disponibles sur le marché. Le principe de l'EIT, c'est de mesurer les variations d'impédance dans les tissus et en particulier dans le thorax. L'impédance, c'est pour un courant alternatif l'équivalent de la résistance pour un courant continu. Or, les poumons sont composés en majorité d'air et l'air conduit très mal l'électricité. Donc, une augmentation d'air au cours du cycle respiratoire va entraîner une augmentation de l'impédance. Et en pratique, comment ça se mesure, cette variation d'impédance ? Alors, en pratique, on place une ceinture de 16 à 32 électrodes autour du thorax des patients, entre le 4e et 5e espace intercostal, plutôt au-dessus de la ligne mamelonnaire. Et un courant électrique de faible intensité, à peu près 5 mA, va être envoyé entre deux électrodes. La différence de potentiel de surface résultante va être mesurée par toutes les autres électrodes. Et ensuite, le courant va passer entre la paire adjacente et ainsi de suite pour faire tout le tour du thorax. Les signaux obtenus permettent de reconstruire une image de 32 x 32 pixels, donc 1024, d'une tranche de poumon, grâce à des algorithmes qui sont complexes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'EIT donne une information sur une variation d'impédance par rapport à une image de référence et non sur une valeur absolue. Pour les aspects techniques, la totalité des électrodes doivent être au contact direct avec la peau. C'est pourquoi il est important de vérifier l'absence de lésions cutanées avant de poser la ceinture. Il faut garder en tête que tout ce qui peut faire varier l'impédance peut rendre compliqué l'interprétation du signal. Par exemple, un remplissage vasculaire. D'autres choses peuvent rendre le signal difficile à interpréter. Les mouvements du patient, des changements de position, les vibrations du matelas anti-escarre qu'il faut éteindre. Le monitorage continu du débit cardiaque par un cathéter de Swan-Ganz. Et il faut se rappeler que l'EIT est contre-indiqué chez les patients porteurs de pacemaker ou DAI. D'accord. Alors, quels sont ses avantages à l'EIT finalement et ses inconvénients par rapport aux autres modalités d'imagerie pulmonaire plus conventionnelles ? Alors, les avantages de l'EIT, c'est les suivants. C'est qu'il s'agit d'une méthode d'imagerie fonctionnelle en temps réel grâce à sa haute résolution temporelle. C'est 50 Hz, soit 50 images par seconde. C'est au lit du patient, c'est non irradiant, non invasif. Ainsi, on ne va pas exposer le patient qui est intubé ventilé au risque lié à un transport comme pour le scanner par exemple. Avec l'EIT, on ne montre pas la même chose qu'avec le scanner. Il s'agit d'une imagerie fonctionnelle dynamique avec une faible résolution spatiale, là où le scanner donne une image statique mais très précise. Donc ces deux techniques finalement se complètent. Les inconvénients, ça va être la faible résolution spatiale. C'est à peu près 1,5 à 3 cm dans le plan de la section de parenchyme. C'est à peu près pareil que pour la scintigraphie pulmonaire. Et environ 15 à 20 cm dans l'axe crânio-caudal. Un autre inconvénient, ou plutôt une notion à bien retenir, c'est que l'EIT ne donne d'information que sur une variation d'impédance et non sur le chiffre absolu. Par exemple, on peut évaluer qu'une variation d'impédance télé-expiratoire chez un même patient, le chiffre d'impédance télé-expiratoire est ininterprétable en lui-même et on ne peut pas comparer deux patients entre eux, par exemple. D'accord. Et du coup, dans les champs d'application clinique de cette technique, qu'est-ce qu'on pourrait citer ? Alors, comme je l'ai déjà évoqué, des variations de volume pulmonaire sont proportionnelles aux variations d'impédance. Lorsque l'EIT est en place, on peut visualiser la distribution régionale du volume courant dans les poumons et apprécier l'homogénéité ou non de la ventilation. Ça permet de constater en direct l'effet d'une intervention thérapeutique, comme l'augmentation de la PEP par exemple, qui va modifier la répartition antéro-postérieure de la ventilation. Lors du monitorage en continu, une diminution brutale de la ventilation d'un poumon peut faire évoquer une atélectasie, par exemple. L'EIT permet également d'apprécier les variations de volume pulmonaire de fin d'expiration. En effet, le changement d'impédance télé-expiratoire est bien corrélé au changement de volume télé-expiratoire qu'on peut mesurer, par exemple, sur des coupes de scanner ou des techniques de washout de l'azote. Ainsi, on va pouvoir constater l'effet d'une diminution ou d'une augmentation de la PEP. On va également pouvoir observer des phénomènes de pan de louffe ou des asynchronies patient-ventilateur chez des patients en ventilation spontanée avec aide inspiratoire qui ne sont pas évidents cliniquement et qui peuvent être délétères. La principale application clinique de l'EIT, c'est la titration de PEP, en particulier pour les patients qui ont un SDRA. Ça permet de personnaliser la ventilation du patient. Je vais essayer d'expliquer simplement cette méthode d'optimisation de la PEP. Elle est basée sur le principe, qui peut être discutable, que la meilleure PEP est le compromis entre le moins de surdistension et le moins de collapse. Mmh. Pour cela, le clinicien va devoir titrer la PEP de manière décrémentale, c'est-à-dire en partant d'une PEP élevée, 24 cm d'eau par exemple, vers une PEP plus basse, 6 cm d'eau par exemple. Mmh. La machine, elle va analyser la courbe de compliance de chaque pixel à chaque étape. À une PEP supérieure à celle qui correspond à la compliance maximale, le pixel a un certain pourcentage de surdistension. À une PEP inférieure, il a un certain pourcentage de collapse. À chaque palier de PEP, la machine fait la somme de ces pourcentages de surdistension et de collapse pour chaque pixel. On obtient ainsi deux courbes, une de la proportion de surdistension globale et une du pourcentage de collapse global, en fonction de la PEP. Le croisement de ces deux courbes, ou crossing point, correspond à la PEP idéale déterminée par cette méthode. Mmh. Et enfin, on peut aussi évaluer la perfusion pulmonaire à l'aide d'un bolus de sérum salé hypertonique avec l'EIT, mais cela n'a d'utilité que pour la recherche pour l'instant. Ok. Et Pascal, est-ce que c'est possible de nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est que le phénomène de Pendeluft ? Alors oui, c'est un mouvement d'air intrathoracique, classiquement des zones antérieures non dépendantes vers les zones postérieures dites dépendantes, en tout début d'inspiration, qui est dû à des pressions transpulmonaires qui sont différentes. Donc si on devait un peu résumer, l'EIT c'est une méthode d'imagerie fonctionnelle qui permet d'étudier la distribution quasi instantanée du volume courant dans les poumons en temps réel. La principale application clinique, c'est de pouvoir personnaliser la ventilation du patient grâce à l'outil de titration de la PEP et de monitorer la distribution régionale dans les poumons, notamment chez les patients qui sont atteints de SDRA. C'est bien ça ? C'est bien ça, tout okay. compris. Et est-ce que vous, à Mondor, vous l'utilisez régulièrement, l'EIT ? Alors oui, on l'utilise souvent pour phénotyper les SDRA et personnaliser la PEP, avec les autres principes de ventilation protectrice, bien sûr. Mais c'est vrai que la principale à utiliser, c'est pour la recherche. Super, merci beaucoup, docteur Labedade, pour cet éclairage sur l'EIT. De rien, avec plaisir.